Bonjour. Hier, j'ai fait une vidéo sur le coup de la colère. Une vidéo. Ok, on va le mettre au féminin, vu que c'est au féminin. Même s'il y en a qui disent que vidéo, c'est du latin, puis c'est un verbe. Mais depuis quand qu'on met un ou une devant un verbe? Donc, à cette vidéo en tant que mot. Une vidéo hier sur le coup de la colère. Puis là, il faut que je fasse un erratum. Pourquoi? Ben, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. En fait, j'ai pas du tout dormi. Des petits problèmes de santé. Puis, je repense à ça, puis ça me chicotait. Puis ce matin, j'ai dit, je vais aller vérifier. J'ai dû dire des inexactitudes. Puis si c'est le cas, il faut que je fasse un erratum. Donc, je suis allé dire que les cristaux de Nassim Haramein, c'était 900 euros. Erratum, erratum. Je suis allé revisiter son site ce matin, parce que je disais ça de mémoire. De mémoire. Non, c'est 1 200 $, ça commence à 1 200 $ américains. Avec le taux de change actuel, ça fait 1 615 et 50 $ canadiens. Puis en euros, 1099,44 euros. Mais c'est pas tout, ça commence à 1 200 piastres. Savez-vous jusqu'où ça va, ces bébelles? 62 800 $ US. Ce qui donne, avec le taux de change actuel, 84 544 et 50 $ canadiens, en euros, 57 537 et 36 euros. Avec les revenus qu'il génère, M. Nassim Haramein, parce que je suis aussi allé revoir ce qu'il a publié comme étude, puis tout, il n'est pas capable de payer un laboratoire indépendant pour faire une vraie étude. Tant qu'à vendre des bébelles à 62 800 $ américains, 62 800 $ américains, et moyen d'engager un laboratoire indépendant pour faire des vrais tests, des vraies analyses, et démontrer que c'est réel. Par rapport à ça, moi j'irai plus voir, même quand il y a quelqu'un que je connais, j'irai plus jamais là. Pourquoi? Quoi vous pensez? Qu'est-ce que je peux faire? Je ne vais pas dire ce que j'en pense. Mais je suis rendu à un point où je suis aussi bien de vider le sac. Je suis aussi bien de vider le sac. Parce que là, bon, Bernard de Montréal, il se vend bien. Bernard de Montréal, pouf! Nassim Haramein, qui est un arnaqueur, tant qu'à moi. Je veux dire, il y a tout là. Il y a toutes les red flags. Fait que, cette complice. D'un charlatan. Mais là, Bernard, Nassim Haramein. Mais là, faut qu'il annonce l'émission qu'il va avoir après. Hein? Ben bon. Mais moi, je trouve ça un peu incompatible. Fait qu'une fois pour toutes, bon, par rapport à Bernard de Montréal, loin quand il partait, puis qui parlait, blablabla. Puis c'est un sujet effet psychique au fond, Bernard de Montréal. Je peux dire ça pour n'en avoir connu d'autres. Mais il y a une affaire, c'est que souvent, ouais, ils vont avoir des informations fulgurantes qui vont s'avérer exactes puis tout. Mais au niveau social, les sujets effets psychiques ont souvent une certaine naïveté. Puis je pense que Bernard de Montréal, il avait une certaine naïveté. Puis je pense que quand Richard Glenn, il l'a vu, il a fait lui. Lui, je vais me starter comme du monde avec lui. Pourquoi? Parce que Bernard, il était fascinant. Il avait le charisme. Il avait un verbe et un charisme que d'autres n'ont pas. Puis ça n'a pas qu'un magnétisme. Puis Glenn, il a vu tout de suite, lui, avec lui. Parce qu'au fond, Glenn, je pense qu'il passe souvent pour un épais, mais il est quand même intelligent. Assez intelligent, même peut-être plus que la moyenne, mais c'est pas une intelligence. En tout cas, comment je pourrais dire ça? Je regarde le chat des fois chasser l'été. Puis il y a une intelligence de chasseur. T'sais. Je serais pas capable, moi, d'attraper des petits animaux comme ça. J'ai pas l'intelligence spontanée. C'est pas dans ma nature. Mais il y en a que ils ont une intelligence, puis c'est dans leur nature. Puis vous voyez là, un peu. Parce que aller faire de la promotion à Nassim Haramein, qui vend ses gugus à 1 200 piastres jusqu'à 62 800 piastres. Moi, je considère ça être complice d'un charlatan. Vous savez, quand l'électricité c'était nouveau, Parce que je suis pas en train de dire que la physique quantique, c'est pas intéressant, puis que c'est pas bon. Mais quand l'électricité est devenue plus courante, sans jeu de mots, puis que bon, c'était nouveau, puis tout, ben il y avait plein de salons avec des appareils de thérapie alternative de toutes les sortes liés à l'électricité. Il y en avait à toutes les sauces. Parce que c'était nouveau, puis c'était la mode. Donc, il y avait des bébelles qui électrocutent le cuir chevelu pour stimuler la pousse des cheveux. Il y avait des machines qui électrocutaient légèrement la plante des pieds pour réduire les douleurs de varices et toutes sortes d'affaires. Que ça a été démontré au fil du temps que la plupart, ben, c'était pour des coups d'argent. Des coups d'argent sur une mode. Là, en ce moment, la mode, c'est la physique quantique. Mais le grand public, c'est au fond, c'est de l'ésotérisme pour lui. Puis le problème avec Nassim Haramein, ça arrive des fois qu'il y a un scientifique controversé qui ne fait pas l'unanimité. Prenez le professeur Raoult. Bon, il y a une partie de la communauté scientifique qui n'est pas d'accord, puis il y a une partie de la communauté scientifique de plus en plus grande qui est d'accord pas mal avec. Puis c'est la même chose d'autres. Prenez le psychiatre Pierre Mailloux, il ne faisait pas l'unanimité. J'ai jamais connu personne qui était parfaitement d'accord avec lui, mais j'ai jamais connu personne qui était parfaitement en désaccord non plus avec lui. Mais Nassim Haramein, tous les physiciens confirmés qui se sont prononcés sur lui le traitent de charlatan. Ils disent que c'est de la foutaise. Donc, là, je ne suis pas en train de dire que c'est les institutions universitaires qui faisaient là-dessus qu'il faut qu'on se base, mais il reste que là, à un moment donné, il faut que les lumières allument, là. Faut que les lumières allument, surtout quand ils refont ces calculs puis qu'ils montrent qu'il est pas bon, hein? Même pas la base mathématique. Moi non plus là, je suis pas pour calculer des budgets, des affaires de même. Le taux de change, mais à part ça, bon, mais il reste que. Puis l'affaire que je peux pas. D'avoir vu ça, je peux pas m'empêcher de rien dire, je suis pas capable. J'ai tout le temps été comme ça. Je l'ai déjà raconté quand j'avais à peu près 3 ans, 3 ans et demi. Il y a une de mes tantes qui m'avait dit, veux-tu qu'on aille au centre d'achat voir le Père Noël? Je lui ai dit non, je veux rien savoir de cet imposteur-là. Je lui ai dit ça, bang de même. Ça l'avait fait tellement rire qu'elle avait questionné mes parents. Elle dit, il a pris ça où ce mot-là? Comment ça qu'il sait ça? Mes parents étaient là. Aucune idée. Une autre fois, j'étais en voyage à Montréal avec mon père, on allait voir de la famille. Puis dans ce temps-là, il y avait le dirigeable Goodyear qui se promenait dans les rues de la ville. Je pourrais pas dire quel âge j'avais, peut-être 5-6 ans. Mon père était dans une fenêtre, puis il regardait le dirigeable Goodyear que j'avais pas vu, puis il m'avait dit, viens voir, il y a un ovni. J'étais allé dans la fenêtre, j'avais regardé, j'avais dit non, c'est pas un ovni, c'est une sorte de ballon dirigeable. Peut-être que j'avais vu quelque chose à la télé sur les Zeppelins ou j'avais vu le dirigeable Goodyear. Je me souviens pas pourquoi j'ai su que c'était pas un ovni. C'était identifiable puis bon. Mais il reste que mon père avait été surpris. Mais j'ai tout le temps été de même. Mais l'affaire, Glenn, là, quand tu t'associes avec du monde comme Nassim Haramein qui vendent des gugus. Ridicule, là. C'est ridicule, là. C'est des alliages de stainless steel avec des cristaux de quartz de montres, bracelets du Dollarama. Tant qu'à moi, là. Quand Glenn, il s'associe à quelqu'un comme ça, ben Glenn, c'est une vendeuse avant. C'est comme ça que je le vois. Donc, le problème avec le supramental, c'est que ça devrait être étudié au sens de la psychologie clinique, les phénomènes. Le phénomène. Il devrait être étudié empiriquement. S'il ne faut pas que ça devienne de la spiritualité. Faut pas que ça devienne de la science, pseudo-science non plus. Il y a des phénomènes, puis les sujets devraient être étudiés sérieusement. Pour qu'on comprenne de plus en plus comment c'est possible spontanément d'avoir de l'information sans qu'il y ait un processus mental lié à l'intellect. Hein? Parce que quand vous parlez pendant 1 heure, puis vous avez l'impression de radoter, puis de dire n'importe quoi, puis qu'après vous vous réécoutez, puis que ça se tient tout, puis que vous le savez que ça vient pas de vous en tant qu'ego, c'est très impressionnant le phénomène. C'est comme si vous faites de l'écriture automatique, puis vous écrivez 10 pages, puis vous avez l'impression que ça n'a ni queue ni tête ce que vous écrivez, parce que c'est automatique, là, ça va trop vite. Puis après vous relisez tout, puis tout se tient. C'est intéressant. Ces phénomènes-là devraient être étudiés plus sérieusement. Le problème, c'est que ça se vendrait moins que de la spiritualité ou une pseudo-science. Puis c'est exactement ce qu'il faut pas que ça devienne. Faut pas que ça devienne de la spiritualité. Faut pas que ça devienne une pseudo-science à toutes les sauces qui sert à vendre ci pis ça. Parce que sinon, là, c'est comme ramener ça au niveau de Nassim Arama. Moi, j'ai bien de la misère. Je trouve que c'est un manque d'éthique. Puis l'affaire, bon, Glenn, peut-être qu'il y croit sincèrement, ces gugus-là de Nassim Arama, mais je vais être franc avec vous autres, j'y crois pas. Je pense qu'il. Non. C'est de la business. C'est de la business, là. Il reçoit ce gars-là parce qu'il est bien, bien connu dans des milieux. Bon. Certains milieux, certaines tranches d'âge qui ont tendance à faire des cancers. Bon. De toute façon, allez voir les magasins de nouvel âge, c'est le festival des faces enflées par la chimiothérapie. C'est pas une joke, là. C'est pareil le reste. Dans le fond, c'est c'est du monde qui profite de la misère humaine. Moi, je le vois de même. Puis, quand Glenn s'associe à un gars comme ça, Glenn, c'est une vendeuse à vent. C'est une vendeuse à vent. Puis moi, là-dessus, je peux pas voir ça autrement. Désolé. Comme là, je fais un erratum, parce que c'est 100 fois pire que ce que je pensais, que je me souvenais de mémoire, là. C'est bien pire. C'est encore pire. Une fois, quand je vais avoir 6-7 ans, ma mère est dans le salon, puis elle voit justement la vendeuse à Avon qui s'en vient. Puis elle dit, oh non, pas elle. Fait que tout de suite, je la devance, j'ouvre la porte, je regarde la dame, puis je dis, ma mère veut pas vous voir. Ben, c'est pareil, Glenn. Dans le sens que moi, même s'il y a quelqu'un que je connais qui passe là, je l'écouterai pas. Me fait avoir à chaque fois. Puis après, comme, je suis obligé de dire de quoi. Je me sens forcé de le faire. C'est une question de principe. C'est une question de principe. Regardez, là. Si Nassim Arana, là, il gagne le prix Nobel, là, je vais me faire tatouer la Sainte Vierge ici, là. Le Sacré-Cœur de Jésus ici, là. Je vais me faire couper à ses rondes puis y envoyer par la malle. Pourquoi je peux me permettre de promettre des affaires de même? Parce qu'il gagnera jamais le prix Nobel. Voyons. Faut vraiment être con pour penser ça. Je veux dire, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Si jamais un jour, par exemple, là, il se rend avec ses cristaux magiques au Japon puis qu'il démontre à Fukushima là, que, comme il dit, là, sa guguson gugus à 62 800 pièces neutralise les radiations. Je pense que je fais un direct tout nu. Je peux me permettre de promettre des affaires de même parce que ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Parce que ce genre de monde-là, leur grand talent, c'est vous vendre le jus du steak. C'est ça, dans le fond. Donc, puis il n'y a rien de mieux que des affamés, hein, pour vendre du jus de steak. Mais bon, il reste que. À un moment donné, ça va faire. Dans le sens que faut pas penser que ça va tout le temps rester tranquille de même. Hein? Dans le sens que les médias, quand ils n'ont plus rien, puis qu'ils ont besoin justement de générer un revenu, puis qu'ils ont moins de subventions, puis tout là, ils courent après des affaires de même. Hein? Fait que. Il y en a, on dirait, ils veulent finir dans le journal de Montréal. Ce qui n'est pas souhaitable. C'est pas souhaitable. Mais c'est ça. Puis ça risque de finir par réarriver. Mais pour des raisons en plus. Parce que là, ça commence à aller loin. Parce que là, on est dans les ligues majeures, là. De l'arnaque. Ça, je veux dire, c'est pas Madoff, là, mais quand même, là, 62 800 $. Pour une espèce de sculpture postmoderne affreuse, des pendentifs que. Porter ça pour faire plaisir à quelqu'un, et là, je le cacherai. Là. Je ne voudrais pas que personne voie que je veux ça. Hein? C'est plate pareil. Je trouve ça dommage. Il aurait pu faire des grandes choses, Glenn. Il a eu l'occasion de faire des grandes choses. Puis rester dans son côté gang petit de sous-sol, de bazar, de marché aux puces, que les licornes côtoient la Sainte Vierge. Puis il restait que c'était. Bon, voilà, cette vibration-là. Il a jamais changé. Jamais. Puis il est pas charismatique. Je veux dire, prenez juste l'autre, là, Nassim Aramek, il faut que je regarde son nom. Je comprends même pas comment c'est possible que. Tu sais, juste ça. Ben, l'ensemble, l'ensemble de l'œuvre. Monsieur de 62 ans qui se teint les cheveux, qui a les cheveux longs comme un hippie, puis qui porte des chemises en lin, puis bon. Sais, je veux dire, souvent on va dire, oh, faut pas juger les gens sur leur apparence. Hey! Le jugement, c'est un ensemble. C'est un ensemble. C'est lié à la perception, il faut que ce soit un ensemble. Ça parle beaucoup. Il y a des choses qui parlent beaucoup. Hein? Lui, s'il se ramasse les cheveux longs, c'est pas. En tout cas, m'arrêter ça là, là. Mais il risque. Je veux dire, ça peut pas être plus clair que ça, là. L'autre, le Nassim Aramène, là, qui veut même pas faire d'études indépendantes par un laboratoire indépendant comme faux. C'est la première chose qu'il faut que tu fasses. Quand tu as des prétentions de même, là, parce que lui, c'est une révolution qu'il annonce, là. Il va y avoir une révolution quantique à un moment donné, mais elle sera pas liée à ses affaires à lui. Hein? Lui, il va entrer dans l'histoire comme une arnaque, là. Ça, je vous le garantis. Si, peut-être même dans pas long. Il va pas entrer dans la célébrité au sens large en odeur de sainteté. On va dire ça comme ça. Ça va être de l'odeur de sauge puis de bois de sandales à glace. Bonne journée.